venu, mais je suis pas venu. Tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y'avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Venu mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé je l'étais de naissance, je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant d'être celui qui était de passage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Venu et j'ai caressé des vignes, et comment dire, j'attendais le raisin. Mais de ces fruits je n'ai vu que des lignes. Paraît qu'ici on ne boit que du vin. Je suis venu et je ne savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins et des maisons. Moi je n'ai vu que les stores qui ne m'ont jamais dit allez viens. Je suis venu, c'était pas au clair de la lune m'entendre dire va chercher ton or. Non, je suis pas venu pour faire fortune habillé en peau de castor. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Venu, mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Je suis venu, mais je le dis avec quel air, comme reçu à reculons. On peut pas dire, mon cher Léon, que ce soit sur un air d'accordéon. Mon visage d'une page qu'on n'arrache pas, je sais que je serai surtout pas sans lui. Sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans bûche, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier.